part, mis à part, mis à part, mis à part, mis à part, mis à part, puisque notre but est d'avancer, puisque notre but se lit en pensée, mis à part, mis à part, mis à part, mis à part, mis à part, mis à part, y a tant de choses à dire, y a tant de choses à écrire, tout se mélange ce soir, tout est mis à trop réfléchir, c'est un peu s'oublier. Puisque trop réfléchir, c'est un peu s'arrêter. Mis à part, mis à part, mis à part, mis à part, mis à part, mis à part, y a tant de choses à dire, y a tant de choses à écrire, tout se mélange ce soir. Tout est mis à, mis à part, tcha, mis tcha, à part, mis à part, tcha, mis, mis à part, na na na, ah, na na na, na na na, na tcha, puisqu'on n'atteindra jamais le sommeil. Qu'on attendra qu'on nous réveille. Mis à part, mis à part, mis à part, mis à part, mis à part, mis à part, y'a tant de choses à dire, non, non, y'a tant de choses à écrire, tout se mélange ce soir.